moi sur les aiguilles des grands sapins au pied des nuages. Pour la suite, même si le monde autour s'agite, puisque ma queue d'écureuil formera mon touffu linceul. Vole avec moi sur les aiguilles des grands sapins au pied des nuages. Vole avec moi sur les aiguilles des grands sapins au pied des nuages.